spelut dien diak oso so konten direla gaur. Kusi dituzte iruko ustidarian gaur xala eta bon, kusi ditugu gaur egizmendi unenean eta nik ere tortzea naiz pitzaka. Txatzen nintzen urtekin zaila izango zela gaur, baina uste dut Sibiroko aira gaztetzen nela eta ala. Ordean, xala atzua izan ezke paretian, egun otringetia, mena ez du jaur galduik, eh? Habe, bogadak idun hor da xala, eh? Xala bestaldeko pilotari hobena, eta badakigu hemen trinketean hasi du, eta ez du deus galtzen, gizu mesortzio urte arte jokatu du trinketean, eta uste dut gaur ere eragutsi du ziki ongi jokatzen du oino trinketean ez du deus galdu, eta baina bo, konten gira, bestaldeko bat iraztea hemen trinketean nausi ditugu, eta konten. Ara, beraz, bi lehiaketa segiten irazten hemen, ordean, bon, ez da bukatia, ordean segitzen da beti, lehiaketa segitzen dira beti. Bai, ni basot lehiatu da zaila pixkat, eta katua nintzen, eta baina heldu da berritze forma, eta bon, erran behar da ere txirri biziki ongi jokatu du, forman da asko eman du pilotan, eta bi azken kintziak bera iten bukatzen ditu. Min esker, Sebastian. Eta suerte hon, eh? Alok, Thierry, bon, deuxième victoire à la roue, eh? Donc, belle victoire, champion de France, bon, toujours en forme. Ouais, c'est vrai que cette année est assez bonne pour moi quand même. Depuis le championnat, j'arrive à garder à peu près le même niveau et voilà, on a gardé notre titre ici à la roue et ça fait vraiment plaisir car c'est vraiment un très beau tournoi. En plus, cette année, Iluro et Chala qui ont joué, donc c'est vrai que ça fait plaisir de gagner un tournoi comme ça. Justement, avec Yves, tout à l'heure, pendant la partie, je vous ai vu discuter. Bon, bien sûr, vous avez des repères, vous avez joué un petit peu ensemble à mur à gauche aussi. Alors, bon, vous êtes très amis. Oui, c'est vrai qu'on est très amis. On se voit assez souvent. Et c'est vrai que c'était un peu difficile de rejouer l'un contre l'autre. C'est vrai qu'on aime bien jouer ensemble. Donc, voilà, mais après, une fois que la partie a commencé, on a vu qu'il n'y avait pas trop de sentiments avec les buts qu'il nous a rentrés. Il a très très bien buté, je ne sais pas combien il a rentré de buts. 11 buts, ouais, c'était vraiment dur à les sortir ici, c'est un train qui est assez rapide et donc c'était assez difficile. Et c'est vrai qu'à cause de ce but, ils nous ont mis vraiment en difficulté. Puisque tu as joué aussi à mur à gauche et en trinquet devant donc, est-ce que ce n'est pas une grosse difficulté de jouer la veille à mur à gauche et de rejouer en trinquet le lendemain? C'est pas évident. C'est sûr que si ça aurait été pour un joueur comme moi, c'est sûr que ça aurait été très difficile, mais c'est vrai que Chala est tellement doué que même sans entraînement, il arrive à tenir sa place. Et c'est vrai qu'avec de l'entraînement, il serait, mais je pense, le meilleur à son poste ici devant. Bon, avec Waltari, c'est sûr, mais voilà, je pense qu'il est tellement doué qu'il peut s'adapter partout, comme on a vu aussi vendredi Duro, qui lui aussi a tenu sa place et avait mérité sa victoire. Prochaine étape, Thierry, pour toi? On a le tournoi de Mendiande, donc voilà, on a les barrages, avec Biel qui recommence maintenant, et voilà, contre les frères Lambert, et voilà, un autre tournoi qui recommence, et on va essayer de s'accrocher, comme d'habitude. Merci Thierry, et félicitations. Merci.